We'll be right back. Elle était brève, mais elle était riche, l'aspect française. Retour maintenant à la prog internationale avec une doublette de crasse. On va s'écouter Tsunami, récente formation qui nous vient de Californie, qui sort un split en compagnie de Gulch. Alors Gulch, c'est une formation que j'ai découvert l'année dernière. On est sur l'espèce de chaotique hardcore ultra vénère. C'est gras, c'est puissant, c'est haineux comme pas possible. Donc là, Tsunami et Gulch nous sortent un petit split, deux titres chacun. On va donc ouvrir avec la découverte de ce split avec Tsunami. Enfin, vous allez voir, c'est un vrai putain de régal. Et dans la foulée, on va s'écouter une formation bien plus ancienne, quoique bien crasseuse cependant. Hey at God, qui sort son nouvel effort studio intitulé History of Nomadic Behavior, une sortie sur le label Century Media. Tsunami, on va s'écouter le titre Step Up, Hey at God, le morceau Anemic Robotic. Et c'est parti tout de suite. We'll be right back.

Et voilà, on approche encore un peu plus de la fin de l'émission Hellbanger d'aujourd'hui. Hein, pour rappel, on est ensemble jusqu'à 23h, et sinon vous pourrez nous réécouter, télécharger l'émission à partir de demain, en fin de journée, via notre petit blogspot, Hellbanger Radio Show. La doublette suivante, tout d'abord nous avons Dune, qui nous vient d'Écosse. Formation de Progressive Stoner Sludge, ils sortent leur nouvel effort studio Etemen Enka, second album studio pour la formation écossaise, une sortie sur le label Metal Blade, encore une version edit pour le titre de base qui fait 9 minutes, là on va s'écouter les 6 premières. Et dans la foulée, la formation venue d'Argentine qui nous fait du black Los Males del Mundo. Pour rappel, hein, le bassiste et producteur de l'album n'est autre que le bassiste de Darveg Einer Freyart. Formation de black allemande. Descent Toward Death, c'est le nom de leur premier effort studio, une sortie Northern Silence Production. Towers, le titre pour Dune, The Silent Agony, version edit également, parce que le morceau de base est assez long, pour Los Males del Mundo. C'est parti. Yeah. Et voilà, c'est l'heure de la dernière doublette pour l'émission d'aujourd'hui. Enfin, plutôt un seul groupe duquel on va s'écouter une petite doublette, hein, comme on est, on garde presque le meilleur pour la fin. Last Day of Humanity qui revient après 15 ans d'absence avec un nouvel album studio, Horrific Composition of Decomposition, une sortie sur la belle tchèque Rotten Roll Rex. On se quitte avec la doublette Tumorous Parenchyma Fred Corpuscule et Running Through the Blood, signé Last Day of Humanity. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, excellente semaine et à dimanche prochain. Ciao ciao.